fait. Oui, bonjour, en fait, j'ai un souci et on m'a dit de m'adresser à vous. Oui, j'écoute. Voilà, ben, en fait, j'ai tout fait, j'ai travaillé, j'ai fait des intérims, mais j'arrive toujours pas à nourrir ma mère. Qu'est-ce que je dois faire? Mais quel est votre matricule? Lorenzo La Rafale. Ah, j'ai déjà entendu parler de vous. Votre mission, si vous l'acceptez, est de vous imposer dans la musique. Ok, ok. Que vous l'acceptez? Oui, j'accepte. Désolé les MC, j'avoue, pour moi c'est pas facile, on me sous-estime. Fallait que je transforme la rafale en missile. On m'a dit qu'il y a que ça qui paye, ok je prends. J'ai besoin d'une, qu'elle soit en euros, en dollars ou en francs. Depuis enfant, on accumule les intérêts et m'amène. Mais bon, à rien, j'ai choisi les mots qui riment. Trop prétentieux, c'est ce que je te donne comme impression. Mais désolé MC, je ne fais qu'exécuter ma mission. On m'a dit de faire de l'ombre, fallait que j'en élimine. Que je rime, que je fasse un hymne pour squatter sur les ondes. J'avais pas le choix, j'avais du flow dans la mâchoire. Et dans le destin, c'est écrit que je dois croiser la gloire. Alerte à tous les faux artistes, y'a trop de mythos dans la chanson. Y'a plus que des clones qui mordent dans les hameçons. Moi on m'a dit que pour nourrir ma mère fallait que je chante. Désolé rappeur, trop marre de rouler sur la jante. Ok ok, vous êtes sur la bonne voie. Mais connaissez-vous les règles? Non, mais quelles règles? Bon, j'ai fait appel à un ancien qui lui vous expliquera les règles. Êtes-vous prêt à les entendre? Bah oui. Entrez. Vous m'avez fait appeler? Oui, voici le caporal chef. Expliquez-lui les règles de notre section. Pour la mission section Hunter, je me présente, matricule Vincenzo Psychiatra, armé de rimes de tentacules. Le rap c'est pas le rêve, arrête de faire le somnambule. C'est l'art de la guerre, on te fout le carotte dans le cul. Là on souvent t'incule, pas la barre des appels. Tu veux prouver que t'es un bon, que t'as la rime en scalpel. Que t'as la rime forgée, que t'as les crocs trop féroces. Que t'es bien là pour les gringos, et pas pour les bessos. Ici c'est pas la starade. Donc pourquoi tu postules? Pourquoi tu bosses dur quand on dit t'es une sale ordure? Tu sais comme ça m'aide, tu peux finir écorché vif. T'as mieux sur sa tête, car ton rap est agressif. Ta colère massive, trop naïf pour gagner. Car le rap c'est une course de fond, faut savoir épargner. C'est beau de crier, mais faut savoir pourquoi et à qui. Le rap offre le fort seulement quand on est son propre ennemi. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? J'en ai rien à foutre, je suis venu pour tout prendre. Calmez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment calmez-vous? Écoutez-moi. Mais qu'est-ce que vous avez à lui dire? Désolé rappeur, ne me vois pas comme une menace. Mais là, il faut que j'en lasse cette garde de belle musique. Et MC, je me présente à Rafale Airline ici. C'est Marseille, on te clash à la Hitmile. Fallait que je rentre dans ce putain de bis. J'avais pas le choix, c'était ça ou la vente de cannabis. Moi on m'a dit, fallait que j'envoie les gaz. Moi on m'a dit, que l'industrie de la SIC était une garde. Je suis prêt à tout, pour amener ce qu'il faut à la zone. Ma mission est d'éliminer les MC à l'horizon. Tout tenter, mais pas assez du plan pour tout péter. Alors c'est au rap que je me suis présenté. Une fois de plus désolé, plus le temps de rigoler. Tu peux t'affoler, j'ai décidé à prendre la gloire de voler. Moi on m'a dit, que pour nourrir les miens fallait que je rappe. Désolé MC, tu remarques que les soucis me rattrapent. T'as compris? J'ai bien exécuté ma mission. Trop marre que les soucis me rattrapent. Moi c'est Lorenzo La Rafale. Je suis venu pour tout prendre. Calmez-vous, mais calmez-vous. Quoi encore? Votre seconde mission, si vous l'acceptez, est de revenir avec un album percutant. Est-ce que vous l'acceptez? Oui, j'accepte.